du silence. Dans le lointain peut-être, quelques accords mineurs. Un rayon de lune, l'odeur d'une fleur. Caroline qui danse. Une robe de soie verte. Et à son cou, quelques perles de pluie. Comme les larmes d'un corps transi. Quand Caroline me jette. Sorcière et amante, et que pour mon malheur, je rêve qu'elle me plante ses griffes dans le cœur. Après qu'elle a mort, elle m'a jeté un sort. Je suis mort dans ses bras mille fois. Sorcière et amante, rien que pour mon malheur. Et comme la plante, elle se nourrit de mes pleurs. Abracadabra, elle mange tes ressorts.